petit garçon, que tu le vis garçon. Je reçois ton amour, ton aimant, tes caresses, tu jures. Not this way, I prefer the other way you played it. I don't like it. Can you change it? Mon petit garçon. Not this way, not this way, the other, the... The old way. Like that. Mon petit garçon. I knew where to start. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Mon petit garçon. It helped me a lot. Mon petit garçon. Tu es un garçon. Je vois ça ton amour, ton aimant, tes caresses, tu sûr. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps, pour toi c'est 506 garçons. Je t'aime parce que tu es pour moi. Tu t'espères, c'est tout tu sois. Mon petit garçon, tu la vie garçon. Je ressens ton amour, donnez-moi tes caresses, tu sourds. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps. Pour toi, c'est 506 garçons. Pour nous vivons, mon petit garçon. Le juste vrai, plus fort que le monde. N'en parle pas. Maintenant, tu sens vrai l'enfant. Je te réponds. Nous t'aimes aussi, nous te ferons. On reste femme, mon petit ami. La fille en notre histoire. Je te soutiens parce que tu peux moi. Tu t'espères, c'est tout de soi. Mon petit garçon, tu es le garçon. Je reçois ton amour. Donnez-moi tes caresses, tu sûres. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps. Pour toi, c'est 506.